En voilà un de plus qui aimerait ne plus tenir sa langue. En voilà un de plus qui aimerait ne plus tenir sa langue. Moi je ne suis qu'un de plus, tout plein de contradictions. J'essaie de vivre dans le compromis et je cherche la solution. Ça me blesse d'autant d'entendre dire que je suis lâche, que trop souvent c'est le moment où il est temps que je m'arrache. Je voulais m'excuser si parfois je suis trop gentil. C'est qu'avant de froisser, j'essaie de faire prendre le pli. Mon air égaré, je parais distant ailleurs. J'aime bien rêvasser, bien calé sur mon postérieur. Excusez-moi mes sœurs, mais j'ai du mal à dire je t'aime. Je préfère me prêter aux autres et me donner à moi-même. Voilà aussi pourquoi mon humeur est si changeant. C'est que le bien-être chez moi a du mal à planter la tente. Excusez-moi mes frères si la franchise n'est pas mon fort, si parfois je préfère me taire pour que tout le monde soit d'accord. Il y a longtemps que je me plais dans le non-sens et le silence. Si je prends mon temps, c'est que je sais que c'est celui de la dernière chance. Pardonnez-moi si la vérité m'obsède, quitte à miser sur un coup de bluff. Tout ce que je possède, tout ce qui m'obsède, c'est trouver le remède. Et vu la pesante, y a peu de chance que le ciel nous aide. Dieu vomit les tièdes, alors je vis ça à fond. Mais même si j'agis en secret, je peux me tromper de direction. Avec tout ça, difficile de prendre du recul. Excuse-moi si je te dérange et excuse-moi si je te bouscule. Oui, excusez-moi si je préfère souffler les choses que les dire trop d'échymoses qui m'auront préparé au pire. Je suis pas un écrivain maudit, je ne suis pas non plus un autiste. J'ai ce sentiment aigre doux qui débarque à l'improviste. Alors excuse-moi MC si dans mes textes je parle de tout. Je mets ma vie sur CD et le reste on s'en fout. En vérité y a tant de choses que j'aimerais rayer de ma liste. Depuis le jour où l'on m'a dit tu vas kiffer la vie d'artiste. Alors excusez-moi d'avance si un jour je pète les plombs. J'étais ami avec la chance, mais elle a coupé les ponts. Malgré tout, je reste mou, taiseux et désabusé. Alors excusez-moi si je ne suis qu'escaïté. Arrêtez de dire ça.